La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est maintenant dans la ligne de mire des députés européens qui exigent des explications sur les contrats de vaccins signés avec Pfizer. Des membres de la Commission spéciale sur le Covid ont convoqué von der Leyen pour qu'elle s'explique publiquement sur ces contrats estimés à des milliards d'euros. Les eurodéputés justifient cette décision avec la nécessité de faire la lumière sur une affaire opaque qui a créé d'énormes tensions au sein de l'Union européenne. Mais Ursula von der Leyen n'est pas nouvelle dans ce genre de controverse. Elle a déjà été accusée de conflit d'intérêts avec les activités commerciales de son mari. C'est donc avec une certaine dose d'humour qu'on peut dire que Ursula von der Leyen est devenue non seulement la reine des vaccins, mais aussi celle des scandales. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il faut que je vous parle du Parlement européen. Je vous en parle parce que très récemment, j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil d'Alphonse. Alphonse dans le mur, vous le connaissez, c'est un des commissaires européens dont je vous ai déjà parlé ici. Et Alphonse était paniqué dans son coup de fil. Il m'a dit que le Parlement européen voulait la peau d'Ursula von der Leyen. Il faut dire que le Parlement européen, il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Récemment, sa vice-présidente a quand même été accusée d'avoir été complètement corrompue par le Qatar. On a retrouvé chez elle plusieurs valises de billets qui avaient été données par le Qatar. Alors, sa défense à elle a été extrêmement simple. Elle a dit qu'elle ne savait pas du tout d'où venait cet argent. Bah oui, parce que les billets de banque dans les valises, c'est un peu comme les souris. Ça sort du mur, on sait pas trop comment. Quoi qu'il en soit, le Parlement européen doit absolument redorer son image. Et pour cela, certains parlementaires ont décidé de se payer Ursula von der Leyen. Ils avaient demandé au président de Pfizer de venir s'expliquer sur les contrats qu'il avait signés avec l'Europe pour les vaccins. Mais celui-ci a refusé par deux fois de venir au Parlement européen. Du coup, les députés ont décidé d'exclure Pfizer du Parlement européen. Les représentants de Pfizer n'y auront plus accès. Le PDG de Pfizer, lui, est à deux doigts de dire qu'il s'en fout complètement. Sa remarque après ça, c'est de dire qu'il est déçu parce que ça empêchera Pfizer de donner son expertise sur le Covid-19 au Parlement européen. Les députés, peut-être un peu vexés, ont alors décidé de se taper Ursula von der Leyen, au sens figuré, bien sûr. Il faut dire qu'Ursula von der Leyen, elle a deux grosses casseroles qui énervent les députés européens. Vous savez ce qu'il faut avoir fait comme étude pour être homme ou femme politique. Bakchiche plus 3. Donc, Ursula von der Leyen a le niveau. Et sa première casserole, eh bien, c'est celle qu'elle a tout simplement avec son mari. Heiko, le mari d'Ursula, travaille pour une entreprise américaine appelée Orgenesis. Jusqu'ici, rien n'interdit, tout se passe bien. Mais il s'avère qu'il y a quelques mois, au mois d'octobre dernier, la Commission européenne a donné 300 millions d'euros à une fondation. Et on a remarqué que l'un des administrateurs de cette fondation n'est autre qu'Heiko von der Leyen, le mari d'Ursula. Bref, Ursula von der Leyen aurait donné une subvention de 300 millions d'euros à une fondation dont l'un des administrateurs n'est autre que son époux. Quand ça s'est su, forcément, Heiko von der Leyen, le mari d'Ursula, a dû démissionner de son poste d'administrateur de la fondation. Seulement, il est resté salarié de son entreprise américaine, Orgenesis Inc., qui est elle-même membre de la fondation. Du coup, les députés trouvent assez étrange que le mari de la présidente de la Commission européenne occupe un poste de directeur général dans une entreprise qui, elle-même, reçoit indirectement des financements de la Commission européenne. Il y a là un conflit d'intérêts selon les députés. Deuxième point qui intéresse énormément les députés européens, eh bien ce sont les SMS qu'ont pu s'échanger Pfizer et Ursula von der Leyen. Oui, visiblement, maintenant, au Parlement européen, on cherche un vaccin anti-corruption. Mais là, deux doses, ça devrait pas suffire. Donc, les députés européens vont interroger Ursula von der Leyen sur ses échanges avec le président de Pfizer. Au début, tout le monde pensait que c'était juste des SMS échangés entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer avant de signer finalement le contrat européen qui a fait que l'Europe a acheté autant de vaccins Pfizer pour les distribuer à l'ensemble de sa population. Seulement voilà, le PDG de Pfizer comme Ursula ont refusé de montrer leur SMS. Et ça a nécessairement fait naître le soupçon dans l'esprit des députés européens, et de beaucoup d'Européens également. Ont-ils échangé dans ces SMS pour ne pas vouloir nous les montrer? Est-ce que c'est, comme ils le prétendent, juste des histoires de prix ou de négociations commerciales? Ou est-ce que c'est plus grave, par exemple, des histoires de corruption? Ou même, bien pire, des mises en garde qu'aurait fait le PDG de Pfizer auprès d'Ursula sur des possibles effets secondaires du vaccin. C'est ça que les députés veulent savoir. Est-ce qu'on a affaire à des SMS qui sont juste des échanges commerciaux ou quelque chose de beaucoup plus grave qui aurait trait à de la corruption ou à des problèmes sanitaires? Mais j'ai bien peur qu'on ne le sache jamais, parce que Ursula von der Leyen, elle peut tout très bien jouer la carte de dire que c'était uniquement des échanges commerciaux, des négociations commerciales. Ou même, elle pourrait dire que c'était juste des blagues qu'ils s'envoyaient au sujet du Covid-19 et du vaccin. Bref, j'ai peur qu'on n'en sache jamais davantage. Mais si Ursula von der Leyen se rend bien à la convocation du Parlement, ce que j'espère mais qui n'est pas du tout certain, eh bien ça nous promet une histoire passionnante. Parce que d'un côté on a un Parlement qui doit absolument redorer son image après les histoires de corruption de sa vice-présidente avec le Qatar, et de l'autre côté on a une chef de la Commission européenne qui doit surtout ne pas laisser penser qu'elle est corrompue. On va avoir deux clans qui vont être obligés de se battre, ou peut-être de faire uniquement semblant de se battre pour amuser les foules. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'en fait il n'y a rien du tout et qu'en fait Ursula von der Leyen a juste fait un travail normal de présidente de commission, ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment anguille sous roche et des risques de corruption, que ce soit avec Pfizer ou avec son mari? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: le politicien c'est comme un tapis, il est plus propre quand il a été battu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.